Pierre Bayle, sixième grand prosateur parmi ceux que j'ai choisis au XVIIe siècle. Vous retrouverez les extraits de cet auteur dans le volume sur le XVIIIe siècle de la collection Lagardère Michard. Mais c'est à la fin du XVIIe siècle que Pierre Bayle fit paraître ses pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la comète de 1680. Depuis sa création au milieu du XIIIe siècle, et au XVIIe siècle encore, la Sorbonne était un centre d'études théologiques qui représentait la plus haute autorité religieuse du monde chrétien après le pape. Voici donc les deux extraits choisis dans ses pensées sur la comète. Deux préjugés, tradition et autorité. Que ne pouvons-nous voir ce qui se passe dans l'esprit des hommes lorsqu'ils choisissent une opinion? Je suis sûr que si cela était, nous réduirions le suffrage d'une infinité de gens à l'autorité de deux ou trois personnes qui, ayant débité une doctrine que l'on supposait qu'ils avaient examinée à fond, l'ont persuadée à plusieurs autres par le préjugé de leur mérite, et ceci à plusieurs autres qui ont trouvé mieux leur compte, pour leur paraître naturel, à croire tout d'un coup ce qu'on leur disait qu'à l'examiner soigneusement. De sorte que le nombre des spectateurs crédules et paresseux, s'augmentant de jour en jour, a été un nouvel engagement aux autres hommes de se délivrer de la peine d'examiner une opinion qu'ils voyaient si générale et qu'ils se persuadaient bonnement n'être devenue telle que par la solidité des raisons desquelles on s'était servi d'abord pour l'établir. Et enfin, on s'est vu réduit à la nécessité de croire ce que tout le monde croyait, de peur de passer pour un contestataire qui veut lui seul en savoir plus que tous les autres et contredire la vénérable antiquité. Si bien qu'il y a eu du mérite à n'examiner plus rien et à s'en rapporter à la tradition. Jugez vous-même si 100 millions d'hommes engagés dans quelques sentiments de la manière que je viens de le représenter peuvent le rendre probable et si tout le grand préjugé qui s'élève sur la multitude d'hommes de sectateurs ne doit pas être réduit, faisant justice à chaque chose, à l'autorité de deux ou trois personnes qui apparemment ont examiné ce qu'ils enseignaient.